Didier Nyonzima. Merci d'écouter la radio Sanganiro, chers auditeurs. Bienvenue à ce journal dont voici les grandes articulations. Certains habitants de la capitale Bujumbura se lamentent suite à la lenteur de certains services de la régie des eaux et demandent à l'État de s'y impliquer pour redynamiser les services offerts par la régie des eaux. Grogne de lauréats de l'année scolaire 2018-2019 du Centre de formation technique paramédicale du chef-lieu de la commune Nyanzalak, qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Ces lauréats s'indignent de ce retard et indiquent qu'ils en éprouvent ainsi une perte, notamment rater certaines opportunités de la vie et continuer leurs études. Dans ce journal, on va aussi vous parler de la composition du Sénat du Burundi ainsi que la mission assignée aux sénateurs comme stipulée par la Constitution du Burundi. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bienvenue encore une fois à ce journal. 5 ménages, dont 108 des Congolais, victimes des récentes inondations de Gatumba, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura, ont bénéficié d'une assistance du Haut Commissariat pour les réfugiés ce jeudi. Cette assistance est constituée des bidons, des tentes, des bâches et autres. Le chargé de la communication, OSR, indique que les bénéficiaires sont les plus nécessités. Noari Bernard dit que si une éventuelle assistance se présente, l'OSR pourrait les assister. Encore une fois, on l'écoute. Il est au micro de Moïse Emisago. Nous sommes venus ici à Gatumba aujourd'hui dans le cadre de la distribution de quelques articles non alimentaires, y compris les couvertures, y compris les seaux, les jerricans, les pannes, les savons, les moustiquaires, les bâches plastiques, pour 500 ménages de personnes qui ont été affectées par les inondations. Parmi elles se trouvent 108 ménages de réfugiés, la plupart sont des Congolais, qui ont aussi reçu cette assistance. Et donc c'est une assistance ponctuelle dans le cadre humanitaire, comme je l'ai dit. Il s'agit des personnes qui ont été obligées de quitter leur quartier, de Gaharawe, Vugizo, Warugondo, Kinyinya 2 et Kigaramango. On a travaillé en collaboration avec Caritas qui a pu identifier les plus vulnérables. Et parmi les plus vulnérables se trouvent les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants séparés ou les enfants seuls, les femmes enceintes et les femmes chefs de ménage. Et donc c'est un appui ponctuel. On a apporté notre petite contribution dans le cadre humanitaire. Et la communauté humanitaire tout entière, le gouvernement du Burundi, et se sont mobilisés aussi pour venir en aide à ces populations sinistrées. Et voilà, c'était aujourd'hui notre contribution dans cette œuvre humanitaire. Il y a un cadre justement humanitaire. Vous savez, il y a une plateforme pour la gestion des catastrophes qui est dirigée par le gouvernement du Burundi et à laquelle aussi participent les différentes agences et ONG. Et donc chacune des agences a aussi un rôle à jouer. Et nous avons joué la nôtre aujourd'hui et nous allons continuer autant que se peut. Et les autres aussi, je sais qu'ils sont déjà, la plupart ont déjà donné leur contribution et continueront de le faire. Et c'était Noari Bernard, le chargé de la communication au sein du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui s'est exprimé aujourd'hui lors de leur descente à Gatumba. Comme je vous le disais, dans les titres, le Sénat est constitué de 2 délégués par province et d'autres cooptés pour le respect de la Constitution du Burundi. Parmi les missions des sénateurs figurent conseiller le président de la République et celle de l'Assemblée nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif, comme stipulé par cette loi fondamentale du pays. Plus de détails avec Elie Nibel Nibigira qui a lu ce texte. Comme contenu dans l'article 192 de la Constitution de juin 2018, le Sénat est chargé d'approuver les amendements à la Constitution et lois organiques, y compris des lois électorales, est très saisi du rapport de l'Ombudsman sur tout aspect de l'administration publique, approuver le texte de loi concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales. Le Sénat mène également des enquêtes dans l'administration publique et le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics. Les sénateurs approuvent les nominations au poste d'ambassadeur, les gouverneurs des provinces, l'Ombudsman, ainsi que les hauts cadres des organes judiciaires. Toutefois, le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent ensemble pour recevoir un message du président de la République, accuser le président de la République en cas de haute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils se réunissent aussi pour recevoir les serments des hauts cadres du gouvernement. Les sénateurs sont élus par les conseillers communaux et sont élus deux délégués par province. Il y a également ceux qui siègent au Sénat suite aux cooptations opérées en vue de faire respecter les chiffres exigés par la Constitution, c'est-à-dire 3 sénateurs de l'ethnie batois, 30% des femmes au minimum. Si le sénateur n'est plus capable d'exercer son travail, en cas de décès ou de démission, ou s'il quitte son parti politique qui l'a permis d'être au Sénat, il est remplacé par son suppléant. Eli Nibel Nibigira. Et concernant l'assistance des victimes des récentes inondations de Gatumba, il s'agit de 500 ménages, non pas 5 ménages comme on venait de vous le dire. À présent, on va se rendre à Makamba, où presque une année vient de s'écouler sans que les lauréats de l'année scolaire 2018-2019 du Centre de formation technique paramédicale du chef-lieu de la commune Nyanzara qui reçoivent leur diplôme. Ces lauréats s'indignent de ce retard, indiquant qu'ils éprouvent une perte notamment à rater des opportunités de la vie. Il demande aux assistants habilités de prendre en main cette question. Le même problème se rapporte également à l'école paramédicale de la ville de Makamba, dont la direction explique que les diplômes sont encore au ministère de tutelle. Jérôme Akizimana à Makamba nous en dit plus. S'exprimant mécontentement et désespérément, celui-là est l'un des lauréats de la section paramédicale qui ont terminé leurs études secondaires l'année scolaire 2018-2019 au centre de formation technique paramédicale en commune Nyanzalak. Il indique que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu leur diplôme après presque une année d'attente. La direction de cette école fournit par rapport à ce retard des explications diverses selon toujours ses lauréats et manque ce qu'ils puissent prendre comme réalité irrelative. Ses lauréats s'indignent de ce fait et déplorent l'énorme perte ainsi éprouvée, notamment rater les chances de l'emploi, ne pas continuer leurs études pour ne citer que cela. De tout ce qui précède, ils ne demandent aux instances d'habilité que de prendre en main cette question. Joint à ce sujet, pour savoir si l'origine de tout cela ne serait pas au niveau de la direction de cette école, CFTP, Madame Christine Diokubgayo s'est réservée, nous orientant plutôt au ministère ayant l'éducation et la santé dans leurs attributions. Cette problématique se rapporte également à l'école paramédicale baptisée Complexe scolaire Génération Nouvelle, située au chef-lieu de la province Makamba. Toutefois, son directeur Leonidas Hatungimana dit en suivre de près. Il indique qu'au niveau du ministère de tutelle, l'on lui dit que l'analyse de ce diplôme n'est pas encore achevée. Jérôme Akizima depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Quittons Makamba pour se rendre à Kayanza, où le taux des accouchements à domicile a diminué dans la province sanitaire de Kayanza ces deux dernières années. Toutefois, Chongera Célestin, médecin directeur provincial, déplore le fait qu'il y ait encore des femmes qui accouchent à domicile, alors que des femmes enceintes seules en accouchement bénéficient d'un accès gratuit aux centres de santé dans toutes les structures de soins publics. À cet effet, il invite l'administration à la base et les représentants des confessions religieuses à s'impliquer davantage dans la sensibilisation à l'endroit de la population locale sur les conséquences liées à l'accouchement en milieux qui ne sont pas assistés. Le point avec Patrick Sengiyonva. Comme l'indique Dr Chongera Célestin, médecin directeur provincial à Kayanza, sur 35 907 femmes enceintes qui étaient attendues dans différentes structures de soins à Kayanza en 2019, on a enregistré 386 cas d'accouchement à domicile contre 514 cas sur 35 066 femmes enceintes attendues en 2018. Il y précise que cela a été dû essentiellement aux séances de sensibilisation menées par les agents de santé communautaire à l'endroit des femmes enceintes et celles qui ne le sont pas sur les conséquences liées à l'accouchement en milieu qui ne sont pas assistées. Toutefois, Dr Chongela Céleste déplore le fait qu'il y ait encore des femmes qui accouchent à domicile alors que les femmes enceintes et celles en accouchement bénéficient d'un accès gratuit aux soins médicaux dans toutes les structures de soins publics. C'est à cet effet alors que, vu les conséquences qui puissent survenir à la vie de la femme qui accouche à domicile et à l'enfant auquel elle donne naissance, Dr Tshongela appelle à l'administration à la base et les représentants des confessions religieuses à s'impliquer davantage dans la sensibilisation à l'endroit de la population locale sur les avantages d'accoucher en milieu assisté. Même son de cloche avec Vianney Ndikumana, conseiller principal au cabinet du gouverneur, qui invite les agents de promotion de la santé dans des communes à organiser des descentes sur terrain au niveau des communautés avec un objectif de sensibiliser la population locale aux bienfaits de se confier aux structures de soins qui leur sont proches chaque fois qu'elles ont besoin. Selon cet administratif, cela diminuerait sans doute des cas de décès à domicile. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. À présent, on va marquer une petite pause pour continuer avec ce journal tout de suite. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro. On continue avec ce journal. Certains habitants de la capitale et Bujumbura se lamentent suite à la lenteur de certains services et de la régie des eaux. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro donnent l'exemple des retards observés en cas de besoin de réparation de panne d'électricité. Ces habitants demandent à l'État de s'y impliquer pour redynamiser des services offerts par la régie des eaux. Le point avec Ezekiel. Arrivé au bureau commercial de la régie des eaux, on y trouve des alignements de personnes en demande de différents services. La dame rencontrée sur place dit qu'elle ne parvient pas à comprendre comment un cas signalé à la régie des eaux d'une panne d'eau à son domicile n'a pas été pris en considération. Elle ajoute que le recouvrement tardif déstabilise les clients et la question des factures semble être laissée entre les mains. Quant à celui-ci, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions devrait s'y impliquer pour remédier à ces défis. Moi, je pense qu'il est temps que les responsables puissent réagir face à cette problématique ou si jamais les responsables de cette institution publique ne sont pas à mesure d'y remédier, il faut que le ministère de tutelle puisse réagir avant qu'il ne soit tard. Certains habitants qui exercent les métiers quotidiens en mairie de Bujumbura, qui sont en besoin du courant de la régie des eaux comme les coiffeurs, les soudeurs et autres, demandent à la régie des eaux de trouver solution. C'était le reportage d'Ezekiel Ndikumwe Nayo. Au moment où les grandes vacances pour les écoliers élèves de l'école fondamentale approchent, certains enfants font savoir qu'ils vont exercer quelques tâches ménagères, tandis que d'autres disent qu'ils vont juste jouer. Écoutez ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro. Pendant les vacances, on en profite pour faire différentes activités, comme être des maçons, former des camps, pour en chercher des travaux du genre. Nous n'avons pas de temps de vagabondage, car nous travaillons depuis le matin jusque dans l'après-midi. Je vais faire de natation, de jouer au football, de voyager, de passer des vacances. Chez quelqu'un. Oui. Je vais au centre culturel français à la natation et voyage. Et voilà, c'était des élèves et écoliers de l'école fondamentale qui vont bientôt entrer dans les grandes vacances. Et ils étaient au micro de la radio Isanganiro. Et c'est par ce point qu'on va mettre fin à ce journal. Mais avant d'y mettre un point final, on va vous rappeler les titres. Certains habitants de la capitale Bujumbura se lamentent suite à la lenteur de certains services de la régie des eaux et demandent à l'État de s'y impliquer pour redynamiser les services offerts par la régie des eaux. Grogne de lauréat de l'année scolaire 2018-2019 du centre de formation technique et paramédicale et du chef-lieu de la commune Nyanzalake qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Ces lauréats s'indignent de ce retard et indiquent qu'ils en éprouvent ainsi une perte et notamment rater des opportunités de la vie. Et dans son journal, on vous a aussi parlé de la composition du Sénat du Burundi ainsi que les missions assignées aux sénateurs. Vous l'avez entendu, comme l'a été développé par notre collègue Eline Bell Nibigirembe. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici qu'on termine son journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci aussi à François Akimana qui l'a mise en onde. Didier Nyonzima, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer un bon après-midi.